Les nuits de France Culture, ainsi se termine votre nuit rêvée, Barbara Carlotti. Nous avons évoqué durant cette nuit votre manière d'être une artiste musicienne, chanteuse d'aujourd'hui, les multiples voix avec un E par lesquelles vous vient ce qui nourrit votre inspiration, les multiples directions vers lesquelles cette inspiration, votre désir, peut vous porter. Il y a aussi tous ceux avec lesquels, de duos en collaboration de toutes sortes, se sont tissés des liens artistiques et amicaux au fil des années. On sent chez vous, plus que chez d'autres peut-être, un désir, un besoin, un enthousiasme en tout cas à être relié artistiquement aux autres. Peut-être même d'être au centre d'un maillage, d'un réseau de désirs et de créativité. Est-ce propre à une génération de chanteurs et de musiciens, disons depuis une vingtaine d'années, ou est-ce quelque chose qui est avant tout un trait de votre propre caractère, de votre propre sensibilité? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours des familles un peu en tout cas dans la musique, mais je pense même dans d'autres disciplines artistiques. Moi, j'ai une joie, effectivement, j'ai toujours une grande joie à expérimenter avec d'autres des choses, à essayer, à jouer en fait. Je pense que quand on fait de la musique, on est là pour jouer et donc on joue à différents jeux et on joue avec ses amis, mais aussi des nouvelles personnes avec qui on peut jouer un peu différemment. Donc ça fait partie de moi, ouais. Je pense que moi, je viens de familles très nombreuses, on a toujours été un peu en collectivité. Et puis je pense que surtout, c'est presque une éthique aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas penser qu'on est tout seul à faire les choses. Les égos pèsent-ils moins sur le monde de la chanson aujourd'hui qu'hier? Les égos pèsent sur tous les mondes depuis toujours et je pense que ça changera jamais. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec des gens avec qui on a des incohérences artistiques et des affinités électives. Et je pense que c'est la seule manière, en fait, de déjouer tous les égos possibles, même le sien, quoi. L'idée, c'est surtout de déjouer son propre égo, je pense. Avez-vous conscience d'être devenu quelqu'un d'important dans la chanson d'aujourd'hui? Je sais pas ce que ça veut dire, quelqu'un d'important. Non, je sais pas trop. En tout cas, ce que je vois, effectivement, parce que ça fait bientôt 20 ans que je produis des œuvres, on va le dire comme ça, en tout cas que je fais de la chanson, que je fais des concerts, que je fais aussi de la radio et plein de choses, que je vais d'aventure en aventure, j'ai surtout l'impression maintenant d'avoir une forme de cartographie d'avoir tracé une carte en fait, plutôt que de me dire et cette carte elle montre en tout cas l'étendue de ce que j'aime faire, de ce qui m'intéresse, effectivement des artistes aussi que avec lesquels je suis reliée et pour lesquels j'ai du respect et de l'admiration et avec qui j'ai envie de faire des projets. Et je pense que ça me donne simplement aujourd'hui plus une solidité. C'est-à-dire de me dire que ce que j'ai fait, c'est solide, que ça a du sens, que tout ça s'articule, en fait, je trouve assez heureusement, c'est-à-dire que les amitiés ne se défont pas, les choses ont une forme de pérennité, en fait, que je soupçonnais pas peut-être au début quand j'ai commencé. Merci Barbara Carlotti de nous avoir fait partager votre nuit rêvée, au cours de laquelle nous aurons rêvé, éveillé, avec vous. Merci Alban. Chargée de cette émission, Hassanem Béchour, à la technique Élise Le, réalisation Virginie Mourté. Alban Pénaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une très bonne journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger et réécouter quand vous voulez La Nuit Rêvée de Barbara Carlotti sur le site franceculture.fr à la page des Nuits où vous trouverez également toutes les dates des concerts qui seront annoncés et qu'on peut trouver également sur votre site Barbara Carlotti. barbara-carlotti.com, c'est ça? Exactement. Merci. Très bonne journée à vous, Barbara Carlotti. Merci, Alban. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à toutes et à tous. Nous nous quittons avec Lentement que vous chantez avec Bertrand Belin. Planche. Cou. Couteau. Bijoux. Bouteille. Sous. Bibelot de Lourdes. Marée haute. Arithmétique. Noël. Père Noël. Tabac. Obus. Un passant qui pue. La nuit. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache. Le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche. Carton, citron, étron, pinson, bouton, dindon, houlon, gazon, avion, majesté, vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Tout s'efface lentement. Tout lentement. Tout finit comme un os. Blanc comme un os.